Verdier va vous présenter l'intervention violence et cyberviolence, un problème dont la confiance en soi pourrait être une victime hier, c'est l'heure. Donc Catherine Verdier, de l'association Marion la main tendue. Voilà, c'est à vous, vous avez 30 minutes. C'est vrai, non, mais il a eu une heure. C'est pas juste. Hein. Non, ça va pas. En tout cas, merci pour la présentation et le travail sur les associations, c'est intéressant. On se sent moins seul quand on entend des discours comme ça. Okay. Je vais juste me présenter. Moi, je suis Catherine Verdier, donc je suis psychologue, analyste, thérapeute pour les enfants et les adolescents. Je me présente non pas par narcissisme, mais c'est simplement pour dire que je suis vice-présidente de l'association Marion la main tendue. Association créée par Nora Fraisse, dont vous avez peut-être entendu parler, dont la fille Marion s'est suicidée, elle avait 13 ans, suite à du cyberharcèlement. Cette histoire, cette dramatique histoire, a évidemment fait l'objet d'un livre qu'elle a écrit. Deux livres d'ailleurs, Marion 13 ans pour toujours, et puis un autre, un tout petit guide qui s'appelle Stop au harcèlement, si vous voulez. Je ne l'ai pas mis en photo. Juste pour vous dire que son livre est aujourd'hui, je vais étendre un tout petit peu, mais il est aujourd'hui traduit dans 5 langues, je crois, je les ai vues, en russe, en polonais, en coréen, en portugais. Bon, il m'en manque un. En anglais, c'est en cours. Donc, c'est juste pour dire aussi que le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est au-delà de nos frontières, au-delà de la France, tout simplement. Portugais, espagnol. Et voilà. Et aujourd'hui, l'association, donc, comme je réside et travaille essentiellement sur Luxembourg, on a ouvert une antenne au Luxembourg de l'association et on espère en ouvrir une, je ne sais pas, fin 2017 ou 2018, en Suisse. Et je vous présente la troisième personne qui est très très importante, qui est dans la salle, qui est Léna, qui est sophrologue et qui travaille avec moi au Luxembourg et à Paris sur tous les ateliers que je vais vous présenter. Ce sont des ateliers qu'on appelle de confiance en soi. Elle est sophrologue, elle fait plein de trucs, le yoga, la méditation, le massage, tout ça. Hein, Léna ? Voilà, je ne vais pas vous rappeler la définition, je vais passer certains PowerPoint parce que je pense qu'il y en a certains, on l'a déjà vu ce matin. En tant que psychologue, évidemment, je vais m'arrêter quand même 5 minutes sur les conséquences du harcèlement scolaire parce que je crois qu'on n'en a pas assez parlé. On parle de familles en souffrance, on parle d'enfants en détresse, on parle de... Voilà, avec des mots extrêmement génériques, mais je crois qu'il faudrait qu'on mette des mots, juste quelques minutes. Effectivement, le chercheur norvégien Dan Olves, on le retrouve, estime qu'un adolescent harcelé à l'école a 4 fois plus de risques d'avoir des idées suicidaires qu'un autre jeune. Je dis bien idées suicidaires, pas forcément passage à l'acte. Les conséquences. Comme dit Nora Fraisse, on est toujours trop quelque chose aux yeux d'un harceleur, trop beau, trop grand, trop fort, trop intelligent, trop petit, trop maigre. Les conséquences, en fait, elles sont à court et moyen terme, et je n'ai pas mis les conséquences à long terme, parce qu'on en entend de plus en plus parler. Les conséquences à court terme, c'est la perte de l'estime de soi, c'est la première des conséquences. C'est-à-dire, l'estime de soi, je vais y revenir, mais c'est ce sur quoi nous sommes fondés, notre personnalité est fondée. On trouve d'autres conséquences plus ou moins dramatiques suivant les situations de harcèlement. Un désinvestissement scolaire, une baisse des résultats scolaires, éventuellement une phobie scolaire. Mais à l'inverse, on peut avoir un surinvestissement scolaire avec des enfants qui vont avoir la tête complètement dans leur cahier, dans leur livre pour ne rien entendre et ne rien voir de ce qui se passe. Un absentéisme donc. Des maladies psychosomatiques, les enfants qui se plaignent de différents maux qui sont bien réels, et dû au stress, des maux de ventre, des pertes de sommeil, anxiété, crise d'angoisse, etc. Et puis, dans les cas de harcèlement physique, on peut trouver des lésions physiques, des bleus, dus à des bagarres, des coups ou des jeux dangereux. Et dans les cas de harcèlement sévère ou très prolongé, on trouve non plus des symptômes dépressifs, mais une véritable dépression. avec parfois tentative de suicide. Ça, c'est pour le harcèlement en face à face. Le harcèlement, le cyberharcèlement a d'autres, on va dire les mêmes, mais quelque peu aggravés. D'autres les conséquences, on retrouve une estime de soi, en fait, qui est très, très vite affaiblie. C'est-à-dire que le cyberharcèlement démultiplie l'impact et les conséquences d'un harcèlement. C'est-à-dire qu'en un clic, il y a une pub de l'UNICEF qui dit « one shot is enough ». C'est-à-dire qu'en un clic, on peut atteindre quelqu'un et la détruire. Et l'autre vidéo du gouvernement, c'est « liker, c'est harceler ». Voilà, donc vous avez, enfin moi je trouve un peu anxiogène comme vidéo, mais le message est parfait, quoi. Donc une estime de soi très vite affaiblie, des difficultés de concentration, parce qu'évidemment c'est associé à des problèmes de sommeil, puisque les attaques se font le soir, la nuit, le matin, à n'importe quel moment. Il y a des enfants qui dorment en classe, hein, un absentéisme plus marqué et un isolement, ça c'est un des facteurs extrêmement importants. C'est un isolement très rapide et très important où l'adolescent a tendance à fuir tous les lieux où il risque de rencontrer d'autres jeunes. Le sport, les fêtes, le travail en groupe, etc., etc. Et par ailleurs, on a évidemment tout ce qui est scarification, automutilation. Je ne sais pas si je l'ai marqué, mais problème d'anorexie ou de boulimie et tentative de suicide. Ça va ? Le harcèlement tue, hein. Je me permets de le dire aussi. Je ne veux pas être dramatique, je ne veux pas être journaliste, je ne veux pas faire du pathos, mais le harcèlement tue. Et tous les cas de suicide, pour le moment, il n'y en a pas eu pour ce début d'année. Si ? Nous, l'association des parents, il y a une personne qui est passée à la télé à La Réunion. À La Réunion, oui. Marie, et ça s'est passé en France, hein, sur le territoire métropolitain. Enfin bref. C'est horrible, mais c'est tout à fait récent. Voilà, et c'est les suicides, c'est suite à du cyberharcèlement, c'est pas du harcèlement en face à face. Hein. Et très souvent, c'est dommage que M. Bellon ne soit pas là, mais très souvent, c'est dû à du sexting. C'est-à-dire le fait de poster une photo, comme ça a été évoqué ce matin, poster une photo et que cette photo soit détournée, utilisée. C'est-à-dire qu'après, l'enfant ou le jeune... de toute façon, s'il change d'établissement, il retrouve sa photo. Hein. Donc, de toute façon, une photo qui est postée, c'est terminé. Elle est postée à vie sur Internet. Donc, voilà. La e-réputation, on parlait de la e-réputation. Donc, je répète quand même que le harcèlement, il tue. Il y a une loi, effectivement, comme l'a dit Émilie, mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Un numéro vert et un numéro e-enfant, personnellement, j'indique. Voilà. Donc, tout ça pour dire... Et pour venir à mes ateliers, tout ça pour dire que la violence, c'est pas un projet. C'est pas un projet pédagogique, c'est ce que j'écris et c'est ce que je dis. Un enfant ne peut pas, voilà, c'est ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas, il ne doit pas se construire avec comme modèle l'agressivité, la haine ou la discrimination. Et le harcèlement entre élèves, c'est une violence qui met en jeu des compétences relationnelles inadaptées. Cette violence, elle doit être canalisée, on en a pas mal parlé, elle doit être encadrée, voire interdite par les adultes. Et il s'agit, pour moi en tout cas, et au niveau de l'association, je ne parle pas de l'association, mais en tout cas, voilà ce qu'elle propose, c'est qu'il s'agit non pas de lutter contre cette violence, parce qu'aujourd'hui, les associations, nous sommes des pompiers, c'est-à-dire qu'on éteint des feux, il y a un feu par là, on y va, on éteint un feu par là, on y va, il y a un feu de l'autre côté, on y va, d'accord ? Maintenant, je pense quand même qu'il y a des moyens pour lutter contre le harcèlement, on en a un peu parlé, il y a effectivement la méthode PICAS qui est extrêmement efficace, pas à 100%, mais qui est efficace, il y a des choses à mettre en place, il y a des jeux, il y a des livres, etc. Il y a tout ce qu'il faut, tous les outils, on a tous les outils en France et ailleurs pour à mettre en place pour lutter contre le harcèlement scolaire. scolaire. Maintenant, je pense, et c'est mon credo, c'est-à-dire que le harcèlement scolaire, pour lutter contre cette violence, il faut la prévenir. Et la prévenir, c'est la prévenir en amont, c'est-à-dire, monsieur parlait, de la maternelle. Et à l'image et à l'exemple de la Finlande, par exemple, qui a implémenté dans toutes ses écoles le programme KIVA, K-I-V-A, qui s'adresse à tous les enfants à partir du moment où ils mettent un pied en collectivité. D'accord ? Et en fonction de l'âge, effectivement, ils vont travailler sur les émotions, ils vont travailler sur les compétences transversales, sur le respect, sur les échanges, sur les travaux de groupe, etc. etc. Voilà. Pardon ? Une école humaniste et de la bienveillance. Voilà, c'est ce que je vous disais, on a tous les outils pour lutter contre le harcèlement, au niveau des équipes pédagogiques, au niveau des parents et au niveau des enfants. Et je vous parle de l'estime de soi, parce que l'estime de soi est effectivement à la base de beaucoup, beaucoup de choses, et c'est, la, c'est, notre, comment dire, c'est notre base à nous tous, au niveau de la personnalité. C'est un passeport, comme dit Germain Duclos, il appelle ça, c'est un passeport indispensable pour la vie. Et le trop ou le pas assez d'estime de soi, on le voit très bien, il y a des enfants qui en ont trop, des adultes qui en ont trop et qui ont un ego un peu surdimensionné, et puis il y en a d'autres qui en ont pas assez. Tout cela empêche le bon développement des relations sociales et le bon ajustement dans l'interaction. Et on en arrive à ma pyramide. Parce que, en fait, il y a beaucoup de termes. On en discutait à table à ce midi. Il y a beaucoup de termes en ce qui concerne l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'image de soi, etc. etc. Il y a de nombreux termes. En fait, on est parti de la pyramide de Fanger, qui à la base de la pyramide, on a ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur. La valeur, le socle qui permet de rendre la construction solide, c'est avoir conscience de sa valeur, s'assumer tel que l'on est, le matin, à son réveil, avant même d'avoir fait quoi que ce soit et avant d'avoir eu le moindre contact avec qui que ce soit. Est-ce que je me considère comme une personne valable et digne d'intérêt ? C'est, concerne, l'estime de soi concerne non seulement l'image que l'on a de soi-même, mais également la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Au-dessus, au centre de la pyramide, on a la confiance en soi, qui est le sentiment de compétence personnelle, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de faire quelque chose. C'est l'assurance, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa propre valeur. C'est se sentir capable de réaliser quelque chose et se fier à soi-même et en être fier aussi. Et en fait, une personne qui a une vraie confiance en elle, n'oublie pas sa valeur, même si lorsqu'elle tente une expérience pour la première fois, elle peut échouer, on peut réussir, on peut échouer, mais elle peut, cette personne qui a confiance en elle peut accepter l'échec sans en être ébranlée. Et enfin, on a au sommet de la pyramide, on retrouve ce qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est une aptitude qui concerne les compétences relationnelles en rapport aux autres, c'est pouvoir exprimer aux autres ses besoins, ses désirs, ses émotions, tout en respectant ceux des autres. Et donc savoir prendre sa place physiquement et socialement. Sur cette base-là, sur cette base de la pyramide, on a fondé et créé ce que l'on appelle les ateliers de confiance en soi, donc avec Léna qui vient. On propose des ateliers par groupe d'âge, par catégorie, d'enfants de difficultés, ça dépend, parce que quand on a un groupe, quand on arrive à trouver, en fait on les regroupe et on les mélange, c'est-à-dire des enfants timides, on va les mélanger avec des enfants qui sont extrêmement, un peu plus extravertis. Voilà, on essaie de les regrouper par contre par groupe d'âge pour de façon à ce que les, comment ça s'appelle, les activités qui sont proposées ils soient à peu près au même niveau de compréhension tant au niveau écrit qu'au niveau, au niveau verbal. L'objectif de chaque atelier est composé en fait de 8 séances en groupe composé maximum de 8 enfants ou d'adolescents. Et chaque atelier est animé par deux thérapeutes. Et par le biais d'exercices ludiques, de jeux ou de mise en situation, les ateliers abordent de façon constructive et adaptée à l'âge le thème de la confiance en soi, accompagné par une réflexion commune et individuelle, ainsi qu'une mise en pratique personnelle quotidienne. C'est-à-dire qu'on va leur donner des outils, mais ce qu'on attend d'eux, c'est qu'effectivement, chaque jour ou chaque fois que c'est possible, pas tous les jours, mais à chaque fois que c'est possible, ils puissent s'en servir chez eux ou à l'école. L'objectif de chaque atelier de confiance en soi, c'est donc, vous l'avez compris par rapport à la pyramide, c'est renforcer l'estime de soi pour améliorer la confiance en soi et parvenir à développer ce qu'on appelle l'affirmation de soi. L'estime de soi, donc c'est sur les huit séances, la première est consacrée à la dynamique de groupe, évidemment, pour que les enfants puissent avoir une cohésion de groupe et puissent avoir l'impression de pouvoir s'exprimer librement dans un groupe où chacun a à peu près les mêmes problématiques ou les mêmes problèmes. Donc, suite à la première séance, on a deux séances qui sont consacrées à l'estime de soi, pardon. C'est la première notion qui est proposée, c'est-à-dire l'estime de soi, comment est-ce qu'on la présente? On essaie de cultiver l'unicité. Souvent, être unique, ça veut dire être seul pour les enfants. Ils ont du mal, ils mélangent être unique et être seul, par exemple. C'est dommage, on essaie de voir ça. On essaie de voir, en posant des questions, qui suis-je, je m'intéresse à, ce dont je suis fière, quelles sont les compétences requises pour pratiquer mon activité favorite. C'est autant de questions qui amènent l'enfant à se découvrir, à réfléchir à ce qu'il est et à ce qu'il aime, et à ce qu'il sait faire, ses qualités, puis ses défauts, évidemment, puisqu'on en a tous, et se connaître par soi-même. Partir à la chasse au trésor, vous avez notre petite boîte à trésors à côté, jouer au détective avec les qualités, découvrir ce qu'on aime. Donc voilà, on part là-dessus pour deux séances. Bon, ça peut paraître long, chaque séance dure une heure et un quart à peu près. On essaie de ne pas dépasser une heure et un quart parce qu'après c'est un peu n'importe quoi. Parfois une heure, c'est le dernier atelier qu'on a pu avoir. C'était des ados, des jeunes filles en plus, je ne sais pas pourquoi on avait un groupe que de jeunes filles, souvent c'est mixte, et elles arrivaient apathiques, alors il fallait les réveiller déjà, et puis ensuite écouter tous les problèmes qu'il y avait, et puis ensuite proposer quelque chose, puis ensuite, non ça ne leur plaît pas, et puis ensuite, quand même on va essayer de faire ça. Bon, d'accord, et donc elle s'y mettait au bout d'une heure. Donc une heure et quart, c'était trop court. Ça durait deux heures. Bref, l'estime de soi. Ensuite, on part pour ça, c'est pas pour deux séances, mais on part au moins pendant une séance, parce qu'après, c'est repris lors des autres séances sur la confiance en soi. C'est-à-dire... ma feuille, mais c'est se sentir capable de réaliser quelque chose. Et l'estime de soi passe par l'éviction des croyances énoncées le plus souvent par un adulte. C'est-à-dire, souvent, les enfants disent « il est feignant, il ne veut rien faire, il n'y arrive jamais, il n'est pas doué pour ». Bon, évidemment, à force de les entendre, un enfant il finit par y croire, même par s'identifier à ces injonctions. « Puisque je suis un feignant, je vais être un feignant ». Donc, travailler tout ce qui est dévalorisation de soi, et c'est une constante en fait. On démarre avec ça, avec notre petit plus et notre petit minus. On ne les voit pas bien. J'ai fait des photos hier soir en catastrophe. Mais le petit plus, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, c'est prendre. Le petit minus d'abord, c'est prendre conscience prendre connaissance de ses pensées dévalorisantes ou anxieuses. C'est-à-dire, je suis nulle, je ne peux pas y arriver, j'y suis jamais arrivée, je suis trop ceci ou pas assez cela, ou mon frère est meilleur, ou mon père m'a dit que, ou ma mère m'a dit que, bien sûr. Et en face de chaque pensée négative, il y a toujours, comme dans les films, là, il y a un petit ange, un petit démon, en face de chaque pensée négative, pardon, il y a toujours une pensée positive. Hein. Et on questionne, effectivement, pourquoi je suis nulle, qu'est-ce qu'on peut dire en face ? Bah, je ne sais pas, en général, c'est ça les premières réponses, quoi. Donc, on essaie de creuser, et tu dis que tu n'y arriveras pas. Mais est-ce que c'est vraiment vrai que tu ne vas pas y arriver ? Bah non, j'ai révisé, donc peut-être que je vais y arriver. Bah alors en face de « je ne vais pas y arriver », on peut peut-être mettre « je vais y arriver ». Et pourquoi tu vas y arriver ? Bah parce que tu as bien révisé, parce que tu révises, parce que tu travailles, ou parce que peu importe. Voilà. Et donc on les fait travailler sur, on les fait même mimer d'ailleurs en pièces de théâtre, un petit plus et un petit minus qui parle très très très très fort, évidemment, sinon on ne les entendrait pas, ces pensées négatives, puisqu'on n'entend qu'elles, et on essaie de faire parler un peu plus fort les pensées positives. Ça va ? Je vais pas trop vite ? Non ? Au carrefour de l'estime de soi et de la confiance en soi se trouve le sentiment d'appartenance à un groupe familial, social, sportif, culturel. On en a parlé ce matin, c'est-à-dire les enfants qui effectivement veulent absolument appartenir à un groupe. Oui, mais on n'appartient pas qu'à un seul groupe, on appartient à plein de groupes. Et ça, on peut le développer. On peut arriver à le développer. Le sentiment d'appartenir à une famille, à une culture, se sentir relié à des personnes... Et pour grandir et être ancré dans sa vie, l'enfant, de toute façon, a besoin de connaître l'histoire, sa propre histoire, et puis de savoir d'où il vient. Et un enfant, comme dit Dolto, un enfant qui ignore sa propre histoire et ou celle de sa famille ne peut être rattaché à sa lignée et devient étranger à sa propre histoire. Donc les enfants sont invités à faire avec leurs parents, en règle générale, leur arbre généalogique, leur blason familial. On essaie, par rapport au groupe, on essaie de leur faire créer un blason pour qu'il y ait une cohésion de groupe et pour qu'il... On a des noms extraordinaires, on a des choses extraordinaires, extrêmement créatives. Et c'est très, très, très émouvant, en fait, quand on voit émerger comme ça un groupe avec des individualités, c'est-à-dire des enfants qui arrivent à s'individualiser, et un groupe, en même temps, qui arrive à trouver une unité. C'est très, très émouvant. Et en dernier lieu, le sentiment de compétence sociale, c'est-à-dire est-ce que j'ose prendre ma place, quel est mon rôle, quelle est ma place dans tel groupe, etc. Et là, on utilise des jeux coopératifs, on peut même les développer, on peut les créer. Je crois qu'on va peut-être utiliser le jeu de cartes, mais ça, je ne l'avais pas avant. Donc, voilà. Il y a une longue séance, mais cette séance, même chose, elle est intriquée avec les autres, c'est-à-dire, moi, ça me tient très très à cœur, c'est-à-dire les émotions, les enfants et les émotions, la verbalisation des émotions, le vocabulaire des émotions, partir à la découverte de ces émotions, de les nommer, en comprendre les manifestations, parce qu'une émotion, c'est une expression biologique, c'est une expression au niveau du visage, et puis c'est le ressenti, évidemment. Donc arriver à les identifier chez soi, c'est aussi arriver à les identifier chez les autres. Et dans le cas du harcèlement, c'est ça, c'est arriver aussi à repérer que chez l'autre, l'autre est blessé quelque part. Et à chaque émotion, bien sûr, il y a ce qu'on appelle un besoin, et quel pourrait être le besoin de cet enfant-là. Donc on a la roue des émotions, on a la sophrologie aussi par rapport aux émotions, parce qu'on a beaucoup d'enfants on a énormément d'enfants, de plus en plus d'ailleurs, qui piquent des crises de colère, même au bureau d'ailleurs. Voilà, ils sont dans un état de stress, d'énervement, de colère, c'est assez terrible. Et les contes, voilà. Et je dis souvent que le vocabulaire des émotions, pardon, c'est une hygiène de vie qui permet de se connaître et de comprendre les autres et d'assurer une stabilité. Pardon ? C'est les 3 E. Oui, c'est une partie des 3 E. Et la dernière chose, c'est l'affirmation de soi, c'est-à-dire, et c'est là qu'on en arrive par rapport au harcèlement, effectivement, l'affirmation de soi, c'est oser l'action, c'est avoir l'audace nécessaire à l'action, et en général, la dévalorisation de soi, l'évitement, la peur qui paralyse, En face de ça, on met toujours notre petit plus, c'est-à-dire qui va permettre d'aider à se lancer, même si le résultat attendu n'est pas toujours au rendez-vous. On n'en a rien à faire. L'art, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'oser. Les enfants, suivant l'âge, ils chantent, ils écrivent, ils se filment beaucoup, on a une caméra au bureau, ils dessinent, ils font leur pub, ils sont acteurs, ils sont animateurs. Alors maintenant, il y a un nouveau métier, donc ils sont blogueurs. D'accord ? Et oser s'affirmer, c'est aussi faire respecter ses propres besoins en harmonie avec ceux des autres. Et là, on les met dans les jeux, on les met en situation. Et dire non, ce n'est pas s'opposer à l'autre, c'est pas proposer un pouvoir ou une domination ou une soumission, mais en cas de conflit, c'est aussi respecter ses propres besoins tout en restant à l'écoute du sentiment des autres, de l'autre, pardon. Je vous ai mis quelques photos prises. Alors, c'est pris avec l'iPhone, donc ce n'est pas des belles photos. Là, c'était le dernier atelier. Je suis en train de regarder. C'était quoi ? La confiance apporte la chance. Apporte la chance. Oui. Et elles en avaient rien à faire de ma consigne. Elles ne voulaient pas de mon blason. Rien du tout. Alors là, franchement. En plus, j'étais toute seule, Léna n'était pas là. C'est mince, qu'est-ce que je fais ? Vous voulez quoi ? J'ai des plumes. Ah ouais, super, j'ai des plumes, ok. Et je crois que j'ai balancé tout ce que j'avais dans le bureau. Et ça a été un bazar, pas possible, mais le résultat était superbe. Donc voilà, elles se sont éclatées, ça a duré jusqu'à je ne sais pas quelle heure, mais c'était très bien. Autre atelier, c'est par rapport à nos petits bonhommes, parce que dans le harcèlement, on a la victime, on a la cible, comme dit Monsieur Bellon. D'ailleurs, chez les plus jeunes, on parle d'intimidation. Les Québécois parlent d'intimidation plus que de harcèlement, qui est un petit peu moins dur. On a donc la victime, pardon, la cible, on a le harceleur ou la harceleuse, on dit toujours le harceleur, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de filles harceleuses, et puis on a les témoins. Et donc il y a trois grands bonhommes, et effectivement, pour chacun, le groupe essaie de mettre le ressenti, les pensées, et ce qui est vu, ou ce qui est... Comment est-ce qu'on voit une victime ? Comment est-ce qu'on voit qu'une personne est victime ? Voilà, et là, il y a des larmes, c'est la tristesse. Comment on voit, à côté, j'ai fait une photo avec un harceleur plutôt. Donc là, on voit la bouche et les sourcils froncés. Et puis, souvent, le témoin, il est coupé en deux parce que le témoin, il ne sait pas s'il doit, il doit aller du côté des harceleurs ou s'il doit aller du côté de la cible. Donc souvent, il suit le harceleur parce qu'il faut être dans le groupe, comme on le disait. Et puis, en fait, ça ne l'arrange pas vraiment, pas toujours, et ça ne rejoint pas forcément ses valeurs. Et c'est là-dessus que la méthode Picasse, elle travaille et elle fonctionne. C'est-à-dire que la méthode Picasse estime que dans le groupe, il y a toujours au moins un élément du groupe témoin qui a envie de sortir de la situation. Et donc, le Picasse s'appuie sur ces témoins qui ont envie de sortir. Et donc, on a créé, l'association en tout cas a créé, l'atelier, ce qu'on appelle l'atelier Stop and Go, Stop Bullying and Go On, dans le cadre de la lutte et de la prévention du harcèlement scolaire. Voilà, on l'a créé un peu sur le même modèle que les ateliers qu'on propose de confiance en soi. Disons que la théorie, voilà, en théorie, ils sont créés de la même façon. Maintenant, pour les modalités pratiques, elles sont différentes, c'est-à-dire que l'atelier se déroule sur une journée. Il s'adresse aux parents et aux enfants. Parce qu'on estime que les enfants tout seuls, effectivement, sont un peu seuls. Les parents tout seuls, ils sont complètement terrifiés, souvent terrifiés. Donc on essaie de mettre de regrouper ou de faire une unité ou de faire à nouveau un groupe familial. Donc les enfants, on les reçoit sur toute une journée, les parents les reçoivent sur une demi-journée. Les enfants sur la journée, on essaie de renforcer toujours l'estime de soi, toujours l'assertivité, la confiance en soi. On travaille énormément là-dessus et on leur donne des outils de lutte contre une situation de harcèlement pour se protéger, pour se mettre à distance, pour essayer de dire non, etc. Et l'atelier Stop and Go pour les parents l'après-midi. Ils sont accueillis par un autre thérapeute ou deux autres thérapeutes, ça dépend de la grandeur du groupe. C'est un groupe de parole et de conseil, évidemment, pour les parents. Expliquer ce qui est proposé à l'atelier, préciser ce qui est attendu de leur part pour soutenir leur enfant, parce qu'effectivement, on travaille peut-être l'assertivité, mais comme m'a écrit quelqu'un, plus ou moins méchamment d'ailleurs, l'assertivité, ça s'acquiert pas en une journée. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Par contre, c'est tous les jours, et c'est tous les jours que les parents peuvent autoriser leur enfant à dire non à la maison parce que le petit frère, il tape, quoi, tout bêtement. Les parents sont là pour valoriser leur enfant, pour les soutenir, et c'est tous les jours que l'assertivité est à travailler, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais bon, bref. Et puis, ça dépend aussi de l'âge des enfants, parce que dans ces ateliers stop and go, c'est très bizarre, mais on a plus de petits que de grands. Alors, il faut savoir que le taux de harcèlement, il est plus élevé en primaire qu'en secondaire. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Et on a plus de petits que de grands. On a jusqu'à CE2, CM1, CM2, quoi, grosso modo. On a aussi des ados, hein. On a aussi des ados. Les années de transition. Oui. On a aussi des ados. Mais sixième, on n'a pas. On n'a pas parce qu'ils débarquent, je pense, que le temps de comprendre. C'est encore des CM2. Oui, c'est ça. Et ensuite, oui. Après, on en a. Voilà. Ah, ben voilà, on a, c'était une jeune fille qui avait un joli t-shirt Stop and Go, Stop au harcèlement scolaire, donc je l'ai prise en photo. Pour conclure et pour dire que vous retrouvez en fait tous ces éléments-là effectivement dans mon livre, puisque j'ai en fait le livre était écrit et puis j'ai décidé de rajouter un chapitre entier sur les ateliers. Donc, parce que ça me semblait important, parce que j'avais l'impression qu'écrire un bouquin sur la prévention du harcèlement, parce que c'est ce que j'ai voulu faire, ça ne suffisait pas et qu'il fallait des solutions. Et je crois que les gens sont très, très en demande de solutions. Et ce matin, il y avait beaucoup de questions, effectivement, comment on fait, mais qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. C'est des solutions dont on a besoin, que malheureusement chacun bidouille un petit peu dans son coin. Je ne dis pas fait du bricolage parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement concrètes, il y en a d'autres qui font un peu du bricolage, mais on est chacun, comme le disait, on est assez isolé et on essaie chacun de faire au mieux avec ce qu'on a. Donc voilà, je reste à votre disposition pour les questions. Je n'ai pas été trop longue. Non, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Hertier. Merci.